Vous écoutez RBI à la Dominique sur 102.2. Magaloc, la location de véhicules neufs à prix compétitif. À Marie-Galante, au port de Saint-Louis et à Grand-Bourg. En Guadeloupe, au port de Bergevin et aux Abîmes. Magaloc, c'est aussi la location de villas et bungalows à Capesterre de Marie-Galante. Possibilité de package, voiture, billet bateau, villa. Magaloc, votre partenaire idéal pour vos déplacements entre la Guadeloupe et Marie-Galante. Magaloc en Guadeloupe, 0590 89 90 59 ou 0690 38 87 91. À Marie-Galante, 0590 97 01 70 ou 0690 75 48 78. Vous construisez, vous rénovez, vous bricolez? Aucun problème. Marie-Galante Matériaux. Tous vos matériaux de construction. Des outils professionnels de marque. Tout pour le bricolage et le jardin. Unique à Marie-Galante. Découvrez notre usine flambant neuve de fabrication de tôles sur mesure ondulée ou bac, ainsi que tous les accessoires, sans oublier les matériaux d'étanchéité et d'isolation. Des produits haut de gamme au meilleur rapport qualité-prix. Livraison gratuite et facilité de paiement. Marie-Galante Matériaux, section Morne-Lolo à Grand-Bourg-Maison d'Arin. 06 90 82 77 53. 06 90 82 77 53. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h sans interruption et le samedi de 7h30 à 12h30. Yeah, mouna! Zosav Assurance Colombo ouvert lundi jusqu'à samedi, 9h pour midi, pour mettre Zot à doux maman. Et puis obsèque, mitiel, loto, moto, case, tilolo, con grand commerce. On sait le numéro 05 90 97 18 49. 97 18 49. RV Assurance Colombo ou paix dormir tranquille. Envie de saveur authentique? Direction chez Mimone à Saint-Louis de Marie-Galante. Spécialité créole. Plat à emporter ou à savourer sur place. C'est le goût d'antan avec l'accueil d'aujourd'hui. Et pour prolonger le plaisir, Mimone, c'est aussi la location de gîtes tout confort. Appelez au 06 90 72 43 81 72 43 81 ou le 06 90 65 53 75 65 53 75. Chez Mimone, sur la place de Saint-Louis de Marie-Galante, le vrai goût de la tradition créole. Régie Jean-Luc Prêt, oui. Je suis la compagnie maritime qui dessert la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie depuis 37 ans. J'assure un service régulier des 99 euros l'aller-retour par personne. Je suis. L'Express des Îles? Oui, Brigitte. L'Express des Îles change de nom et devient FRS Express des Îles. Réservé au 05 90 919 520 et www.expressdesiles.com. FRS Express des Îles. Fiable et régulier. Besoin d'un contrôle technique fiable pour votre véhicule? Mag CT. Marie-Galante Contrôle Technique est là pour vous. Que ce soit pour une voiture, un utilitaire ou un 4x4, le centre de contrôle vous accueille du lundi au vendredi à Grande Savade Grand Bourg de Marie-Galante de 8h à midi et de 13h à 15h30. Pour un service rapide et conforme aux normes, contactez Mag CT au 05 90 89 90 21. 89 90 21. Mag CT, la qualité du contrôle technique à Marie-Galante. Retour de la musique. Tous les matins à 5h, il caille sous la mer. Café chez de la journée, pas rien, il caille chambé. Ici c'est un canot là, qu'à point soleil chaud là. Souti la gaille qu'a fini, poisson pas qu'a fini. C'est mal et mani comme ça. C'est mal et mani comme ça. Moi qu'a y poin en carrette sa paix, pour y manger ça pas moins. Moi qu'a y poin en carrette sa paix, pour y manger ça pas moins. C'est mal et mani comme ça. C'est mal et mani comme ça. Moi j'observe tous les autres pêcheurs, ils sortent sur la mer. Mon cas toujours aller quand on peut y trouver un kilo. Mais le moment où il y a très bien, mon babble est aidé. Zami, y'a moi qui critique, moi qui ai pas quoi s'en manger. C'est mal et mani, mal et mani. mani kan sa Se male mani woy Male mani kan sa Wakay pwen an karet sa pe Pwen wane sa pa mwen Wakay pwen an karet sa pe Pwen wane sa pa mwen Se male mani Male mani kan sa Se male mani Male mani kan sa Arriba! bête chinois dans chinois. Ma vie met qui n'a pas qu'il n'a. A la tibiti danser, à la tibiti danser. Ma vie dit, moi pas qu'à dire. Ta mère chinois dans chinois. À la tibiti danser. Yeah. que notre amour a changé. C'est dire que je suis un malheureux. Reviens-moi, reviens-moi. RBI. Voilà que tu m'es revenu. La tête en place et le sourire aux lèvres. Tu es toute ma joie, toute ma passion. Tu es toute ma vie, oh ma chérie. Reviens-moi, reviens-moi pour toujours. Les jours et les années qui nous séparent s'écoulent tendrement, oh mon amour. Je vois déjà la couleur de tes yeux. Je vois déjà ta bouche qui frémit. Reviens-moi, reviens-moi, oh mon amour. Reviens-moi, reviens-moi pour toujours. Tu es ma seule raison de vivre. Rien que les larmes dans tes yeux. Rien qu'une larme, mon amour. Sais-tu que je pourrais être une larme? Une larme pour naître dans tes yeux, pour couler doucement sur ta joue et mourir lentement sur tes lèvres charnues. Je vois une larme dans tes yeux. Je vois une larme dans tes yeux. C'est dire que notre amour a changé. C'est dire que je suis un malheureux. Reviens-moi, reviens-moi au monde d'amour. Voilà que tu m'es revenu. La tête en place et le sourire aux lèvres. Tu es toute ma joie, toute ma passion. Tu es toute ma vie, oh ma chérie. Reviens-moi, reviens-moi pour la vie. Dans mes bras, la vie est belle, on ne peut pas vivre sans amour. Belle, on ne peut pas vivre sans amour. Pas un cadeau qui cause satisfait. Pas gain corps pour payer ça ou vos moments. Souffrance ou agion piti, ça pas gain pareil. Depuis l'enfant, ou a passé misère. Pas de mots pour faire comprendre toute valeur, maman. N'en joue fait tout, ni fleurs, ni diamants, rien même sur la terre. Pas de valeur assez pour contenter. Flamme, mais ils l'ont resteront sans écho. Tu es parti vers des rives lointaines, me laissant seul avec ma lourde peine, le cœur plein de chagrin. Quel désespoir! Et depuis ton départ, je cherche consolation sur ma guitare. Je chante mon amour, ma passion, qui n'ont pu te fléchir. Quelle infortune! Les accords inspirent les moments, les bons moments que nous aurions pu passer ensemble, où je serais à tes pieds, te servant comme une reine, comme une reine. Sans écho, tu es parti vers des rives lointaines, me laissant seul avec ma lourde peine, le cœur plein de chagrin. Quel désespoir! Seul, tout seul, seul. Je suis celui qui va pieds nus sur le long chemin caillouteux, celui qu'on voit luire le ciel sous l'ardent soleil du midi. Je suis le vrai travailleur des champs, oh, oh, je suis le vrai travailleur des champs, sous le soleil et sous la pluie, chantant les peines qui me soutiennent et fortifie ma volonté dans le labeur quotidien. Je suis le vrai travailleur des champs, oh, oh, je suis le vrai travailleur des champs. Couper la canne est mon métier, chaque jour on me voit pencher, couper, bêcher et labourer, somme toute c'est le métier. Je suis le vrai travailleur des champs, oh, mm, je suis le vrai travailleur des champs. Chaque jour on me voit pencher, couper, bêcher et labourer, somme toute c'est le métier. Je suis le vrai travailleur des champs, je suis le vrai travailleur des champs. J'ai dans ma poche ma pipe en terre, mes allumettes et mon tabac, et dans ma bourse quelques centimes pour boire au bistrot de mon rhum. Je suis le vrai travailleur des champs, ah, ah, je suis le vrai travailleur des champs. Quand même ça moins pas apprécié, en plus oui moins très mal payé. Mais moins pas qu'à peine espoir, moins que goumé pour ça changer. Je suis le vrai travailleur des champs, ah, mm, je suis le vrai travailleur des champs. Quand même ça moins pas apprécié, en plus oui moins très mal payé. Mais moins pas qu'à peine espoir, moins que goumé pour ça changer. Je suis le vrai travailleur des champs, ah, mm, je suis le vrai travailleur des champs. Moins que goumé pour ça changer. Je suis le vrai travailleur des champs. Oui, moins qualité pour ça changer. Je suis le vrai travailleur des champs. Moins qualité pour ça changer. Je suis le vrai travailleur des champs. Oui, moins que bouclé pour ça changer. Je suis le vrai travailleur. Sur 102.2.